Chapitre 9. Le témoin qui vint ensuite déclara reconnaître Humphrey Vargas pour un homme qui avait travaillé autrefois chez M. Blake et qui était son locataire. À l'entendre, l'accusé avait grandement offensé M. Blake en braconnant sur ses terres, et Vargas et sa femme avaient été chassés de leur logis 2 jours avant la naissance du dernier enfant. La femme mourut en couche. Vargas attribua cet événement au chagrin qu'elle ressentit d'être obligée de quitter une habitation confortable pour une chaumière sur la route de Hawthorpe. Vargas ne s'était pas fait faute de déblatérer contre M. Blake avec autant d'emportement que de colère. Peu de temps après la mort de sa femme, ce malheureux quitta Hawthorpe, abandonnant sa famille à la charité publique. Sa femme était honnête et travailleuse, lui un fainéant et un ivrogne. M. Tomplin se dispensa d'adresser des questions à ce dernier témoin. On appela ensuite le prêteur à gages de Great Barford, chez qui Vargas avait engagé la chaîne et la montre en or de M. Blake. Le dernier témoin avait également reconnu Vargas sans la moindre hésitation au milieu d'un groupe de 6 hommes. M. Tomplin lui adressa maintes questions, cherchant à le désarçonner et à le faire passer pour un esservelé, mais ce fut en vain. Après lui, ce fut le tour du dernier constable de la police d'Hawthorpe, vieillard à la retraite depuis 12 ans, mais dont les souvenirs n'en paraissaient pas moins toujours aussi nets. Il raconta qu'il était présent lorsqu'on avait relevé l'empreinte des pas sur la route durcie par la gelée, et que cette empreinte concordait exactement avec la forme et la grandeur du pied de Vargas. Ici encore, l'avocat de la défense essaya de diriger contre son adversaire l'arme du ridicule, mais pour celui-là, comme pour le prêteur à gages, il ne réussit qu'à provoquer les rires de l'assistance. Le dernier témoin fut William Seifers, autrement dit Carotti Bett. Il déposa qu'il avait travaillé avec Vargas à la récolte du houblon près de Colham, dans le comté de Kent, et qu'ils s'étaient séparés sur la route de Daleshire. « Plus tard, ajouta-t-il, nous nous sommes rencontrés par hasard à Blackford, et Vargas avait alors ses poches pleines d'argent. Il m'a raconté qu'il avait eu la chance de faire un travail qui lui avait été fort bien payé. » Le témoin parlait à la barre avec la même désinvolture qu'il eût pu montrer au comptoir d'un marchand de vin. Ses gestes familiers, sa manière de s'appuyer sur la balustrade, étaient calculés pour inspirer au jury toute confiance dans la sincérité de l'orateur. Tout en parlant, il mordillait un brin de paille. « Vargas m'ayant offert une consommation, ajouta-t-il, on se mit naturellement à causer. Il me parla de son projet d'aller risquer fortune en Amérique vers la fin de l'hiver. Je lui demandai s'il avait assez d'argent pour payer son passage. Il me répondit que oui. J'en conclus que le travail qu'il venait de faire lui avait été largement payé, et je l'en félicitai. Il riposta qu'il voudrait bien être tous les mois aussi chanceux, car alors il ne se querellerait plus avec la fortune, ni avec personne. Dans sa réplique, M. Tomplin s'efforça de mettre le témoin au pied du mur, mais il ne parvint ni à le faire dévier d'un iota de sa déposition, ni à modifier le ton dégagé qu'il avait pris. Il répondit avec empressement à toutes les questions, comme s'il se fût agi d'une simple conversation, entremêlant même par-ci par-là quelques mots d'argot, dont il donna la signification au jury. Il se montrait d'une bienveillance particulière envers l'avocat, tout en se permettant certains signes et clignotements d'yeux à l'adresse des jurés, comme s'il voulait se faire comprendre d'eux spécialement. « Pourrais-je savoir combien vous avez passé de temps hors de prison depuis 20 ans ?» demanda M. Tomplin à Vargas. « Vous êtes hors de la question !» repartit l'imperturbable Seifers. « Ceci est ce qu'on appelle franchir le mur de la vie privée. »« Cela suffit. Vous avez déjà trop abusé des moments de la cour, » répondit sèchement M. Tomplin. « Je laisse au juré le soin d'estimer qui de nous deux a été le plus prolifique, » répondit Seifers. L'audition des témoins étant terminée, M. Tomplin commença alors sa défense. Il convint que sa tâche était délicate et très difficile. Devant eux, un homme se déclarant lui-même coupable d'un crime horrible s'exposait au plus terrible châtiment que la loi pût infliger. Nonobstant ses aveux, il n'en conjurait pas moins le jury d'envisager l'affaire sans se laisser influencer par la déposition du prisonnier. Il priait les juges de considérer avant tout que les récits des témoins ne fournissaient aucune preuve de la culpabilité de Vargas, bien qu'il lui suggérait de croire non seulement que la montre et la chaîne de Sir Walter Blake étaient tombées en sa possession, mais encore qu'il les avait vendues. « Le docteur Bridnell, poursuivit-il, vous indique à son avis la blessure qui a déterminé la mort de M. Blake provenait d'un pieu à l'extrémité pointue et non d'un gourdin arrondi. Il vous suffira, messieurs, d'apporter toute votre attention sur ce point de la déclaration du témoin pour vous convaincre de l'improbabilité des faits racontés par le prisonnier. Est-il admissible qu'un misérable vagabond à moitié mort de faim et de fatigue ait pu avoir raison à coup de gourdin d'un homme aussi robuste que M. Blake et monté sur un cheval fougueux? Non, 100 fois non. Ce qui paraît plus rationnel, messieurs, c'est de supposer que l'assassin de M. Blake était un homme dans les mêmes conditions d'âge et de force physique que lui, non pas à pied, mais à cheval, capable, en un mot, de l'attaquer à force égale, plutôt qu'un pauvre diable que Sir Blake eût facilement tenu à distance. Ce n'est pas sur ce misérable qu'il faut concentrer vos regards, messieurs, mais plus haut, pour trouver l'auteur de ce crime, crime qui a eu pour mobile l'injure et la vengeance. Il y a là un terrible mystère, ou plutôt deux. La surface tranquille de la société cache souvent des tempêtes. C'est le cas présent. Il faut lire attentivement entre les lignes. Il ne vous sera pas difficile, je crois, de découvrir le motif qui aura excité cet homme à s'accuser d'un crime qu'il n'a pas commis. Nous connaissons tous, de quelle soif inextinguible de notoriété sont dévorés quelques individus sans culture. À quelque prix que ce soit, il faut que l'on parle d'eux, que leur nom figure dans les journaux et leur portrait dans les feuilles illustrées. Ils veulent sortir de l'obscurité. La célébrité qu'acquièrent les grands coupables leur devient un exemple à suivre. En effet, de quoi parle-t-on aujourd'hui davantage et plus longtemps si ce n'est des crimes et des criminels? Sur quoi s'appesantit-on plus que sur tous les détails de ces sanglantes tragédies? Un général gagnant une grande bataille n'occupera pas aussi longtemps le public que l'un de ces misérables. Voilà, messieurs, ce à quoi notre curiosité malsaine a abouti. Ajoutons que Vargas poursuivait encore un autre objet, celui de s'assurer un refuge, et qu'il n'y en a d'autre pour lui que la prison. Il s'est dit qu'un vieillard poussé par le remords, repentant, abject, avouant un crime commis il y a 20 ans, exciterait naturellement l'indulgence des jurés, et que leur miséricorde atténuerait la sévérité de la sentence. Sans pain, sans instruction, sans vêtements, sans protection, se meurt de faim, là d'une liberté qui n'apporte rien à ses lèvres affamées, ne s'est ainsi accusé lui-même que pour s'assurer le repos derrière les murs d'une prison. M. Cumming Russell répondit avec une sobre concision aux arguments de la défense. Il dit qu'à moins d'être fou ou ivre, un homme ne se livrait pas ainsi à la justice, et que Vargas, à en juger par son récit, n'était ni l'un ni l'autre. Les témoignages et les constatations légales étaient là pour le prouver. M. Cumming Russell ne parut pas attacher grande importance à la distinction établie entre une blessure occasionnée par un gourdin ou par un pieu, et prétendit que toute une académie de médecine ne saurait se prononcer entre les deux. Il appuya sur ce fait que le prisonnier avait été reconnu par l'homme chez qui il avait engagé la montre et la chaîne de M. Blake. N'était-ce pas là une preuve irrécusable du vol? Pouvait-on admettre que le meurtre et le vol eussent été commis par deux individus agissant séparément? À coup sûr, le voleur n'était autre que l'assassin. Que deux fois l'appât du gain, et même de petits gains, n'a-t-il pas été le mobile des plus terribles crimes? Il combattit aussi cet argument qu'un homme à pied n'avait pu terrasser un cavalier. La vie vagabonde du prisonnier le classait depuis longtemps parmi ceux dont on peut tout craindre et qui connaissent par expérience les stratagèmes pour attirer les gens dans des guet-apens. Quant à M. Blake, qui avait passé la journée en chasse, il devait être par conséquent épuisé de fatigue. Comment eût-il été en état de se défendre contre un homme brutal, vigoureux et déterminé à l'assommer? M. Cumming Russell conclut, après avoir brillamment discuté quelques points de la défense. Le juge résuma alors brièvement, sévèrement l'affaire, en rappelant au jury que la date du crime n'était point un argument en faveur des circonstances atténuantes, que les remords du prisonnier ne diminuaient en rien sa culpabilité, que le sang de M. Blake criait vengeance. L'affaire ayant été longuement et consciencieusement étudiée, la défense éloquente et réfléchie, il ne restait plus au jury qu'à se prononcer. Non pas en se laissant influencer par les plaidoyers qu'il venait d'entendre ou par la pitié envers un misérable, mais en appréciant avec toute la droiture et l'impartialité de son jugement les preuves qu'on venait d'exposer devant lui. Le jury sortira dans la salle des délibérations. 20 minutes après, il rentra, prononçant un verdict affirmatif sur la culpabilité. Le juge s'étant couvert, il adressa alors d'un ton solennel quelques paroles au prisonnier. Il lui dit que le châtiment devait être proportionné au crime et qu'il ne devait conserver aucun espoir de voir commuer sa peine. En ce moment, la salle d'audience offrait un aspect lugubre. Des bougies avaient été allumées çà et là. Leurs flammes vacillantes se reflétaient sur les panneaux de vieux chêne. Sous l'effet de cette lumière incertaine, la physionomie altérée des auditeurs prenait des tons de cire. L'ensemble de la scène rappelait avec ses clairs obscurs certains tableaux de Rembrandt. Les gardiens allaient et venaient comme des ombres. Les longues manches du juge produisaient au plafond des effets singuliers. On eût dit, tant les draperies rouges foncées paraissaient noires, que la salle était tendue pour des funérailles. Madame Aspinall frissonna et poussa un soupir. Je ne croyais pas que le procès d'une créature si vulgaire pût offrir un intérêt si palpitant, dit-elle à son voisin Sir Everard Courtenay. Comme les avocats plaident avec chaleur les causes qui leur sont confiées. On dirait qu'il y va de leur propre jour. Je n'en suis pas moins contente que ce soit fini, car j'ai commandé ma voiture pour 4 heures et mes pauvres chevaux attendent déjà depuis longtemps. Oserais-je vous prier de me frayer un chemin à travers la foule ? Volontiers, repartit Sir Everard. Pourquoi votre charmante fille n'est-elle pas venue ici aujourd'hui ? Elle a perdu un spectacle fort intéressant. J'eusse profondément regretté qu'elle fût témoin d'une scène aussi pénible. Les choses se sont bien passées, ajouta Madame Aspinall. Il ne s'est rien dit qui puisse offenser le prisonnier. Sans doute, mais je ne m'en félicite pas moins que Delcy n'ait pas assisté à ces débats, répondit d'un ton grave Sir Everard. Il conduisit Madame Aspinall à sa voiture. Dès qu'elle fut installée dans son élégant coupé, elle lui demanda s'il ne désirait pas qu'elle le ramenât chez lui. Rien n'est plus facile que de passer par Hawthorpe, dit-elle. Merci mille fois, répondit-il. Mon cheval est ici, et il faut que je fasse ma toilette pour le dîner du shérif. Ah, vous allez dîner chez Sir Nathaniel ? Oui, de même qu'avec le juge et l'avocat général. Quelle belle occasion vous aurez là de parler du procès ? Je vous envie réellement. Prenez-vous par la route d'Hawthorpe pour voir le lieu du crime ? Naturellement, puisque c'est le plus court chemin. Vous ne redoutez pas de voir le fantôme de Walter Blake en passant là, la nuit ? Je n'ai jamais songé. Oui, mais vous êtes ce soir dans des conditions toutes particulières. Je ne suis pas aussi impressionnable que vous le supposez. Les brouillards de la nuit ne sauraient éveiller dans mon esprit l'idée d'un fantôme. Les ombres de la nuit ont causé à Richard plus de terreur que 10 000 soldats, dit Madame Aspinall en riant. Mais, ajouta-t-elle après cette citation, c'est la preuve que votre conscience n'a rien à vous reprocher. Voilà toute la différence. Quand m'amenez-vous, Miss Dolcy ? Quand il vous plaira. Rappelez-vous, je vous prie, que vous êtes invité à venir me demander à dîner, quand bon vous semble, et que vous ne le faites jamais, que lorsque je vous confie un jour fixe. Vous vous comportez en véritable ermite. Oui, je suis très casanier, je le confesse, mais j'aime cependant une agréable société. Demain, puis-je vous amener Dolcy ? Vous ne sauriez me faire plus grand plaisir. 8 heures moins un quart est votre heure, n'est-il pas vrai ? Parfaitement. À demain, et merci d'avance. Sir Everard, après avoir échangé une poignée de main avec Madame Aspinall, se déroba vivement au regard de la foule. Il se rendit directement à l'hôtel où il était descendu, et il trouva dans la cour Morton Blake, qui venait là lui aussi, pour prendre son cheval. « Eh bien, Morton, êtes-vous satisfait ? » demanda Sir Everard au jeune homme. « Oui, dans une certaine mesure. J'éprouve cependant comme un pressentiment que nous ne sommes encore qu'au préliminaire de cette affaire. Tout ce qui a été dit me donne à penser qu'un autre mystère est caché sous ce meurtre. Cet assassin n'avait-il pas un complice ? N'a-t-il pas été l'instrument complaisant d'un misérable plus criminel que lui encore ? Mon cher Morton, les aveux de Vargas me paraissent suffisamment probants pour vous dispenser de concevoir aucun doute sur le mobile qui l'a poussé à commettre ce crime. Certaines suggestions de l'avocat m'ont singulièrement frappé. Il est payé pour cela. Il fallait bien que celui de Vargas trouve un moyen de défense. Et comme il est encore très inexpérimenté, il a sacrifié le bon sens aux effets oratoires. Voulez-vous que nous rentrions ensemble ? Très volontiers. Pendant ce dialogue, les chevaux avaient été amenés. Les cavaliers se mirent en selle et franchirent la vieille porte par laquelle tant de diligence avait passé avant l'invention des chemins de fer. Après avoir traversé la ville, ils se trouvèrent sur la grande route, bordée de chaque côté de talus verdoyants. Il n'y a pas un long chemin à faire pour arriver à celui de Hawthorpe. Nos deux cavaliers pressèrent un peu le pas de leurs chevaux dès qu'ils furent en dehors de la ville, mais ils ne les poussèrent réellement qu'en approchant de Blatchmardean, près de l'endroit où le crime avait été commis. « Je suis réellement très peiné de vous voir si triste, » dit Sir Everard à Morton en traversant le bois. « Tout ce qu'il est possible de faire a été fait. La justice est satisfaite. Que voulez-vous de plus ? Ce chagrin qui remonte à 20 ans, doit-il à jamais assombrir votre existence ? Pensez à Dulcy, je vous prie, et rappelez-vous combien elle a peu joui de votre société depuis son dernier anniversaire. « Hélas oui, je le reconnais, » répondit le jeune homme. « J'étais trop absorbé par les préoccupations personnelles pour être si assidu près d'elle que j'aurais dû l'être. Mais je n'ai plus maintenant les mêmes raisons pour m'abandonner à mes tristes pensées. La justice est satisfaite, mon père est vengé. Ce soir, je chasserai de mon esprit ces sombres souvenirs pour être tout entier à ma fiancée. » Sir Everard n'en vit pas moins les traits de son compagnon se contracter en passant près d'un fossé et d'un grand chêne dont les branches nues se détachaient sur un ciel gris. C'était là, en effet, le lieu du crime, lieu que les branches étendues du grand chêne semblaient indiquer perpétuellement d'une manière saisissante et sinistre. Dulcy était appuyée près de la grille d'entrée lors de l'arrivée des deux cavaliers. Morton, sautant lestement de son cheval, dit à sa fiancée « Je vous ai négligé pendant cette triste affaire, ma pauvre chère Dulcy. Mais aujourd'hui, tout est fini et je suis de nouveau votre esclave. » « Le pauvre homme sera-t-il pendu ? » demanda-t-elle. « Oui. Je le regrette, » allait-elle dire, lorsqu'un regard glacial de Morton l'arrêta au milieu de sa phrase. Prenant le bras de son fiancé, elle ajouta au contraire qu'elle se félicitait de le savoir hors d'inquiétude. « Nous n'avons qu'une demi-heure à passer avec vous, mon enfant, » dit Sir Everard à sa fille. « J'ai à m'habiller pour le dîner du shérif et je suppose que de son côté, Morton a hâte de rentrer chez lui pour communiquer à sa famille le résultat du jugement. » « Je n'ai jamais hâte de quitter Dulcy, mais je ne doute pas que l'on ne soit très anxieux chez moi de connaître l'issue du procès. » Dulcy donna des ordres pour qu'on apportât du thé, des sandwiches, des gâteaux et des raisins. Un bon feu clair brillait dans l'âtre et répandait un éclat magique sur les murs, les faïences, les porcelaines des étages et sur le piano. Morton alla s'asseoir sur son siège favori près de la cheminée. Sir Everard se laissa tomber sur un grand fauteuil. Il n'avait garde de vouloir troubler l'entretien des jeunes fiancés. Cependant, Dulcy, frappée de l'air fatigué de son père, se rapprocha de lui. En prenant la main de Sir Everard dans les siennes, elle s'écria « Vous avez la fièvre, si je ne me trompe. Cette journée passée dans la salle d'audience et votre retour par un froid glacial ont épuisé vos forces. Je suis fatigué, comme vous le dites, par l'atmosphère épaisse de la salle d'audience et aussi par ces plaidoiries fastidieuses, mais c'est tout. « Ne pouvez-vous vous abstenir d'aller dîner chez le shérif ?»« J'espère, au contraire, que ce sera moyen de réagir contre les tristes impressions de la journée. »« Ah ! Je ne suppose pas pourtant qu'après avoir condamné un homme à mort, on puisse plaisanter et rire. »« Croyez-vous donc, ma chère enfant, que l'on soit forcé de prendre le deuil de ceux que l'on condamne ?»« Ah ! Les juges, heureusement pour eux, sont d'une autre trempe que vous. »« Les magistrats ont la réputation, très méritée je crois, d'être de fort bons vivants. » Dulcy soupira, tout en faisant à son père et à son fiancé les honneurs du plateau qu'on venait d'apporter. Morton accepta très volontiers le thé et les sandwiches que lui offrait sa charmante fiancée. Mais Sir Everard refusa de rien prendre et resta renversé dans son fauteuil, absorbé sans doute par les souvenirs pénibles de la journée.